1-1, authentique cartel, les SLK, Mason, original, Bunker Bros, Samoa à la prod, la mine d'or pendant soirée, 2013 et pour l'éternité. J'écris avec le cœur, gars, j'suis pas là pour te mettre une disquette. J'te dissèque, je dissèque la poisse quand la chance est faite discrète. Nos chansons disent vrai sur toutes les peines qu'on digère. Ça se rappelle les souvenirs pour se réchauffer les longs soirs d'hiver. Nos chagrins divers dispo chez tous les disquaires. J'suis loin de ces mythes d'ivresse avec tous ces bolos qui se disent frère. Avec le temps, nos objectifs et nos rêves diffèrent. J'me suis vidé la tête dans la musique, jamais dans le divers. Le passé me rattrapera même si j'tape un grand sprint. C'est nos vécus et toutes nos cicatrices qu'on a qui rendent speed. La tristesse rempile frappe tout même les mecs tranquilles. Faudrait que j'confie mon cœur à une fille bien avant mes 30 piges. Où je réside, je vois trop de rappeurs dégommer la résine. Si tu crois que c'est du rap, le mien va te décoller la rétine. La vitesse, je te la décrirai qu'en vitesse. Ma vie de merde, je l'oublie en buvant, passe-moi ma vitelle. La tête sur les épaules malgré nos pensées sombres, sombres. Gravé dans nos textes, gravé dans nos chansons, fond. Bouger toutes les têtes, des bons et des gros cons. Comprends qu'on veut tous être sauvés par le con. Nos peines au prix du ferme, ça c'est au prix du fer. On a pété un plomb coca mixé au Spidifen. On roule pas en Cayenne, l'espoir noyé dans une canette. Toujours le fond, la forme, tu kifferas quand t'écouteras la galette. Dans ma vie j'en ai bavé, j'ai connu des déceptions. Je me suis toujours relevé sans commettre aucune exception. Le combat continue, laisse le cas à mes côtés. On s'en bat les couilles du game, bien d'être des mecs côtés. Je veux juste prouver qu'on est des MC authentiques. Qu'on peut aimer la musique sans compter gagner autant de fric. Mon rap a des valeurs pour ne pas baisser son froc. Il parle de réalité et s'exprime sur des sons glock. J'arrive déterminé pour faire accoucher des projets. Ma foi n'a pas changé depuis mes débuts au collège. Je marche pour mon équipe car on est tous solidaires. On a tous un lourd passé qui fait qu'on est tous solides frères. La souffrance endurée nous a tous fait grandir. On n'a rien à regretter malgré ce que les gens disent. J'ai 29 ans. Mon blas, je l'ai fait tout seul, sans argent sale, provenant de la vente d'un bout de seum. La tête sur les épaules, malgré nos pensées sombres, sombres. Gravé dans nos textes, gravé dans nos chansons, fond. Bouger toutes les têtes, des bons et des gros cons. Comprends qu'on veut tous être sauvés par le con. Nos peines au prix du ferme, ça c'est au prix du fer. On a pété un plomb coca mixé au Spidifen. On roule pas en Cayenne, l'espoir noyé dans une canette. Toujours le fond, la forme, tu kifferas quand t'écouteras la galette. La tête sur les épaules malgré nos pensées sombres, sombres. Gravé dans nos textes, gravé dans nos chansons, fond. Bouger toutes les têtes, des bons et des gros cons. Comprends qu'on veut tous être sauvés par le con. Nos peines au prix du ferme, ça c'est au prix du fer. On a pété un plomb coca mixé au Spidifen. On roule pas en Cayenne, l'espoir noyé dans une canette. Toujours le fond, la forme, tu kifferas quand t'écouteras la galette. Gather around.